On est présentement avec Mathieu Thomas, qui, d'après sa biographie, est né à Montréal de parents français et américains. Mathieu a étudié en sciences politiques avant de faire une maîtrise en sciences de l'information. Présentement, il est bibliothécaire et il a aussi écrit le livre qu'on va parler d'aujourd'hui, « Ceux dont on ne redoute rien ». Salut Mathieu, est-ce que ça va? Bonjour, ça va très bien, merci. Le livre que tu as écrit, pour faire un court résumé, c'est un livre qui se passe à deux époques quand même importantes dans l'histoire du Québec et du Canada, l'époque de la Confédération et le deuxième référendum en 1995. Plutôt 2011, la période 2011-2011, oui. Oui, c'est ça, c'est vrai. La période pré-Confédération, 1864-65, puis l'autre moitié du livre se passe autour de 2011-2012. C'est vrai. Le deuxième référendum, c'est là que les deux personnages, le personnage principal rencontre son ami Louis qui va ensuite... C'est ça, ça se passe pendant la grève étudiante, en fait. C'est ça. Et l'élection un peu ratée d'Option nationale, si on peut le dire tout de suite. Là, on va parler de certains éléments du livre. Oui, c'est ça. Les chapitres qui se passent en 2011-2012, ça part à peu près du moment de la création de ON, donc quelque part vers la fin 2011, et ça se conclut autour justement là, de l'élection de Pauline Marois en 2012. Donc la conclusion finalement du printemps érable. Vous allez en parler un peu plus tard dans l'entrevue, mais là, pour parler un peu du livre, le livre parle d'une recherche que deux personnages font à travers deux époques sur une rencontre probable entre Tocqueville, un philosophe et noble français, oui, et Louis-Joseph Papineau. Une rencontre qui aurait eu lieu en 1831 et qui aurait comme les airs d'un complot pour que peut-être la France aurait aidé le Canada, le Bas-Canada, qui est maintenant le Québec, à se débarrasser des Anglais, en fait. Oui, c'est ça. Donc, ça, ce qui s'est passé dans les faits, parce que moi, bon, évidemment, moi, je brode un peu sur l'histoire réelle, mais dans les faits, ce qui s'est passé, c'est que en 1831, Alexis de Tocqueville, donc, qui était à l'époque relativement jeune, là, qui commençait sa carrière en droit, avec son ami Gustave de Beaumont, ils sont partis aux États-Unis pendant un long voyage qui a duré environ 9 mois. Et officiellement, ce voyage-là, c'était pour étudier le système pénitentiaire américain. Parce qu'en France, il y avait des problèmes avec les prisonniers, on se demandait quoi en faire, est-ce qu'on devrait les faire travailler, est-ce qu'on devrait les isoler les uns des autres. Bref, il y avait des nouvelles tendances, on va dire, dans le monde des pénitenciers aux États-Unis. Alors, ils sont allés tous les deux dans un voyage donc de 9 mois aux États-Unis. Et c'est ce voyage-là qui a mené à la rédaction, du côté de Tocqueville, là, de son fameux de la démocratie en Amérique, qui est une espèce d'ouvrage de sciences politiques très, très, très, très connu maintenant. Mais dans ce voyage-là, de 9 mois, ils ont eu une petite escapade, là, un petit détour de 10 jours dans la vallée du Saint-Laurent. Alors donc, ils sont passés à Montréal et à Québec. Et donc, ça, c'est le point de départ, on va dire, du roman. Et les deux personnages là, dont tu viens de parler, là, donc fin 19e siècle, 1864-65, et en 2011-2012, ben, tous les deux cherchent un peu par rapport à cette visite-là de 1831. Ouais, parce que les deux personnages sont un peu en contact avec les écrits de Tocqueville, et ils se rendent compte que personne ne mentionne Papineau dans ces écrits-là. Puis ils trouvent ça étrange, parce que Papineau, c'est un personnage qui était... un personnage politique assez connu à l'époque, puis il aurait dû parler du chef, d'un chef de la nation canadienne. Puis là, la question, c'est pourquoi est-ce qu'il n'en parle pas? C'est ça. Alors, donc, quand ils sont venus, Tocqueville et Beaumont, ils ont pris des notes. Hein? Il y avait des petits calepins, ils prenaient des notes. Il faut savoir que ces notes-là n'ont pas été, on va dire, rendues publiques avant plusieurs années. C'est beaucoup plus tard, à peu près 30 ans, 35 ans plus tard, que mais dans le contexte de la publication des œuvres complètes de Tocqueville, ben, on a comme un petit peu fait état de ses voyages, et dans ses notes de voyage, il y avait des notes de voyage donc qui parlaient de son passage ici. Et dans ces notes-là, ben, celles qui ont été publiées à l'époque, et dans ce qu'on a publié par la suite, donc avec la correspondance et tout ça, nulle part il parle de Papineau. Il n'en parle pas du tout. C'est quand même surprenant parce que même en 1831, bon, on n'est pas à l'époque des rébellions encore, on est quand même quelques années plus tôt, Mais quand même, déjà en 1831, Papineau était déjà très connu. C'était l'orateur là, en chef là, de l'Assemblée. Donc, c'était comme on pourrait dire, dans le fond, un des hommes les plus puissants de la colonie, là, en fait, de politicien. C'était pas, évidemment, c'est pas un gouverneur anglais, là, mais homme politique canadien de l'époque, c'était ni plus ni moins que le plus important. Alors, le fait que Papineau n'en parle pas du tout, que Tocqueville n'en parle pas du tout dans ses écrits, c'est quand même louche. C'est quand même un peu bizarre. Ce qui m'amène juste à parler un peu de Tocqueville, pourquoi est-ce que Tocqueville est si important que ça? Ben, Tocqueville, disons, il a pas écrit grand-chose dans sa vie, on va dire, en fait, nombre d'œuvres, là. Il a vraiment écrit, on va dire, deux grandes œuvres. La première, je l'ai mentionné tantôt, c'est « De la démocratie en Amérique », qui est un espèce, ben, qui est un essai, dans le fond, qui parle du système politique américain, de la démocratie dans ce pays-là. Et puis, bon, beaucoup de gens disent que au fond, à l'époque, il avait écrit ce livre-là un peu pour donner un exemple à la France, finalement. Parce que la France venait de changer de régime, on se posait beaucoup de questions par rapport à la démocratie. On se rappelait évidemment des excès qu'il y avait eu durant la Révolution française. Bon, la monarchie avait été réinstaurée après la chute de Napoléon. Bref, on se posait beaucoup de questions en France là-dessus. Alors, en allant aux États-Unis, ce pays relativement neuf, hein, en 1830, là, ça fait pas longtemps que ça fait comme soit quoi 60 ans à peu près, là, que le pays est indépendant, même pas, 55. On va en France pour dans le fond, voir comment on va aux États-Unis pour voir comment ça fonctionne, ce pays-là, comment ça se fait que ça marche aussi bien et comment donc on peut lier la démocratie avec un système qui marche bien. Et sa deuxième œuvre, qu'il a écrite vers la fin de sa vie, c'est une étude de la Révolution française, ça s'appelle L'Ancien Régime et la Révolution. Puis là-dedans, Tocqueville s'est plongé dans les archives, puis il a fait beaucoup de recherches, il a découvert des trucs sur la Révolution française. Donc, dans le fond, il a écrit donc, ces deux œuvres-là. De la démocratie en Amérique est devenu un succès gigantesque. Il a eu beaucoup, beaucoup il a vendu beaucoup de livres et il est rentré. Il y a eu des honneurs. On lui a déroulé le tapis rouge finalement. Et puis il est devenu député. Il a eu un rôle politique. Après ça, il y a eu en 1848, il y a eu une révolution en France. La République est revenue pendant quelques années. Il a été député à l'époque. Donc vraiment, il est devenu un homme politique célèbre. Bon, il est mort relativement jeune, hein, en 1859. Et puis après sa mort, ben c'est comme si son point de vue un petit peu, on va dire, nuancé, oui, républicain, mais quand même pas radical, assez. En plus c'est un aristocrate. Donc déjà qu'un aristocrate à l'époque se dise pro-démocratie, c'était quand même quelque chose d'assez surprenant. On pensait que tous les aristocrates étaient contre la République, contre la démocratie, hein, qui voulaient un retour de la monarchie finalement. Mais là, non, lui, non. Lui, il avait des idées assez avancées. Et puis, pendant longtemps, ben voilà, on l'a vu comme une espèce de penseur politique du libéralisme. Hein. C'est vraiment le libéralisme auquel il est vraiment associé. Et puis, je dirais qu'avec le temps, bon, on l'a un peu oublié, mais les Américains, eux, l'ont jamais oublié. Parce que, dans le fond, en écrivant ce livre-là, il est devenu une célébrité là-bas. Là. C'est comme si les Américains avaient été un petit peu flattés, même très flattés, de voir qu'un Français s'intéresse à eux et, dans le fond, louange l'espèce de génie démocratique des États-Unis. Là. J'exagère un petit peu, là, mais c'est une vision quand même assez positive des États-Unis qui donne dans son livre. Donc, les Américains ont gardé son souvenir, on va dire, vivant très longtemps. Et après ça, plus tard, au 20e siècle, il y a des gens qui se sont, on va dire, servis de Tocqueville pour avoir une espèce de contrepoids là, par rapport à des idées comme celle de Marx, par exemple. Donc, il est devenu une espèce de, sans le vouloir peut-être, là, un porte-étendard du libéralisme. Puis, il plaît autant à la gauche qu'à la droite, en quelque part. Donc, il y a vraiment une pensée assez complexe, mais c'est un penseur qui est assez intéressant, même si de nos jours, on le cite plus qu'on le lit. Oui, c'est mentionné dans le livre, justement, je pense. C'est les citations sont plus importantes que les textes lui-même, le texte lui-même. Je voulais parler de son importance aux États-Unis. Tu l'as mentionné. Donc, je vais sauter tout de suite à juste une partie du livre où le personnage... Édouard, le personnage contemporain, assiste à un genre de colloque sur Tocqueville. Et ce qui est intéressant, c'est que on a une position nuancée sur le personnage à travers plusieurs, ben, sur le personnage historique de Tocqueville, à travers plusieurs intervenants qui viennent discuter un peu de est-ce que Tocqueville est pertinent ou non. Oui, c'est dans cette scène-là, en fait, c'est un chapitre complet là, qui se passe dans un colloque, là, une conférence fictive sur Tocqueville. Et puis dans cette conférence-là, ben, il y a différents conférenciers, puis ils ont des idées, on va dire, variées sur Tocqueville. Qu'est-ce qu'il représente? Quelle importance il a eu? Qu'est-ce qu'on peut retirer de ses écrits? Parce qu'évidemment, il y a des choses qui ont vieilli hein, avec le temps, ça c'est normal. Et aussi, il y a aussi son rapport au Québec, son rapport aux Canadiens. Donc, ce que nous, on appelle maintenant les Québécois, là, mais ce qui était à l'époque des Canadiens, qui sont après devenus des Canadiens français. Donc, comment lui, il regardait, quel regard il jetait sur les Canadiens. Alors, dans le colloque, je m'amuse, justement, il y a un conférencier qui est assez critique parce que je fais une petite parenthèse, c'est que la vision du nationalisme de Tocqueville est assez complexe parce que on peut dans son style, dans sa manière d'écrire, il y a une très belle plume hein, Tocqueville, mais des fois c'est pas toujours évident de comprendre qu'est-ce qu'il veut dire. Il est tellement nuancé que des fois on peut prendre une phrase hors contexte puis dire ben voilà, c'est la preuve qu'il est opposé au nationalisme. Hein, sous toutes ses formes. Avec la démocratie, les peuples vont naturellement devenir un, tu sais, tranquillement, pas vite. Toutes les nations vont se fondre en une seule, puis voilà. Donc le libéralisme mène à l'unité des nations. Mais dans d'autres passages, il va dire, ben non, par exemple, le patriotisme, c'est quelque chose de très important, ça permet à la démocratie de vivre. Parce que c'est quand on sent qu'on fait partie d'un groupe là, qu'on se soucie de notre prochain. Hein? Quand on est trop dans l'individualisme, par exemple, ben, la démocratie, on s'en fout un peu. Hein? On va même plus voter. Bon. Alors c'est ça. Donc, dans la scène, dans ce chapitre-là, c'est ça que j'avais trouvé intéressant, c'était de mettre en relief le fait que, oui, justement, ben, il est nuancé, puis au point de parfois paraître contradictoire. Et voilà, les conférenciers, dans le fond, en bon québécois, ils tirent la couverture de leur côté, là. Quand ils veulent prouver un point, ben, ils tirent d'un bord, puis après ça, l'autre conférencier tire de l'autre bord, puis voilà, ils ont. Donc, mais c'est ça le propre on va dire, des penseurs complexes, à la pensée complexe. Ouais, c'est ça, parce qu'essentiellement, tu peux utiliser n'importe quelle phrase hors contexte pour justifier ton point qui est un point qui est fait de manière contemporaine, comparé à l'écrit que lui est comme il date d'un contexte historique politique particulier. Exact. C'est ça, on est. Puis bon, puis c'est sûr que lui, Tocqueville, sa propre famille, il y a des gens de sa famille qui ont été guillotinés durant la Terreur en France, là, alors, je veux dire, sa famille a été traumatisée par la Révolution française. Donc, il y a une vision, oui, il est pour la démocratie, mais il sait très bien que quand la démocratie dégénère puis tombe en espèce de tyrannie de la plèbe, on va dire, là, où on coupe la tête à tout le monde qui nous dérange, puis voilà, au nom de ci ou de ça, ben c'est comme pour tout, hein, tout poussé à l'extrême peut devenir extrêmement, tout poussé à l'extrême peut devenir dommageable ou catastrophique, là. Donc lui, c'est ça, sa vision un peu nuancée des choses, je pense qu'elle vient un peu de là, parce qu'il était quand même assez intelligent pour voir que oui, malgré les excès qu'il y avait eu durant la Révolution, ben la marche des peuples vers la liberté, c'était en marche. L'époque des rois, lui, dans sa vision des choses, c'était terminé, là. On allait avancer, le monde entier allait avancer vers la démocratie, comme l'exemple américain le montrait. Pour revenir un peu au Québec et au Bas-Canada, le Canadien, Papineau, qui est un personnage historique important, il y a une belle avenue pas loin de chez moi qui s'appelle l'avenue Papineau aussi. Nommé en l'honneur de son père, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est ça, de Joseph. C'est mentionné dans le livre même, je pense. Oui. Ah, ben, c'est ça. Ben, j'ai beaucoup de références à mon livre, désolé. C'est ça. Papineau, ça fait cette année, 150 ans qu'il est mort, si je ne me trompe pas. Et ton livre tombe un peu à point à cause justement de cette date-là. Est-ce que c'était voulu que, ou bien c'est juste un addon que c'est arrivé? Ah, c'est un pur hasard. Moi, ça fait ce livre-là, j'ai commencé à y travailler il y a 8 ans. Donc, il y a 8 ans, j'étais loin de penser, OK, regarde, ça va prendre 8 ans avant que je sois publié, puis ça va tomber l'année de l'anniversaire de la mort de Papineau. Non, absolument pas. C'est un pur hasard. Parce que, je dis que tu tombes à point, parce qu'il y a il y a comme une espèce de, vu que c'est son 150e anniversaire de décès, il y a un peu un effort dans les médias de rehausser le personnage, de parler des choses qu'il a faites, puis de le réhabiliter un peu, parce que son leg historique, politique, il est pas nécessairement doré. Oui, c'est vrai qu'on essaie un peu de le redécouvrir. Je pense qu'il y a eu déjà un début à partir du moment où on a changé le nom de la fête de Dollard là, pour la fête des Patriotes. Ben pas la fête, mais la journée des Patriotes, on va dire. Donc déjà, je pense qu'il commençait à avoir un début de réhabilitation. Mais c'est sûr que quand on regarde, c'est sûr que dans les années qui ont suivi les rébellions, bon, Papineau s'est exilé, après ça, bon, il est décédé, comme tu as dit, au début des années 1870, mais durant toute cette période-là, qui est une période, bon, ben, on est dans le Canada, là. C'est sûr que lui, en tant que leader des rébellions, c'est sûr qu'on ne le voyait pas d'un bon œil, là. C'était comme si, dans le fond, il avait montré que quand on veut trop se libérer des Anglais, puis qu'on y va de façon trop radicale, ça amène à des problèmes. Hein, donc, puis d'ailleurs, on le voit, là, quand même maintenant, là, tu vas lire une source comme le Dictionnaire biographique du Canada, qui est très, très, très canadienne, là, très axée fédéraliste, on va dire, ben, c'est sûr que le portrait qu'on donne de Papineau là-dedans n'est pas très, très, très gentil, pas très positif. Puis il y a beaucoup aussi d'historiens, moi, je ne suis pas historien, là, mais j'ai quand même lu quand même pas mal là-dessus, puis il y a beaucoup d'historiens qui font porter le mauvais rôle. Là. C'est sûr qu'on le fait passer pour un lâche, okay, il se serait exilé, il était confus dans ses idées, puis tout ça. Mais je pense qu'avec le temps qui passe, on a plus de distance avec les personnages aussi, on redécouvre le fait qu'il y avait vraiment un mouvement démocratique et républicain ici, au Québec, là, dans les années, donc fin des années 1820, puis début des années 1830, puis des gens comme Yvan Lamonde, par exemple, dont je me suis beaucoup basé sur ses écrits pour écrire ce livre-là, commence un peu à le réhabiliter, puis à expliquer que, ouais, ben, il est plus complexe, puis c'est quelqu'un de son époque, puis sur certains aspects, il était très précurseur. Hein? Oui, il y a des choses, il y a des éléments sur lesquels il était un peu plus conservateur, mais d'autres sur lesquels il était très précurseur. Donc, je trouve ça bien que tranquillement, on commence à mieux le connaître. Il y a eu la série de romans là, sur Julie Papineau, là, sur sa femme, qui ont été des best-sellers en librairie. Et tout récemment, il y a une biographie sur Papineau qui vient de sortir là, par Mme Sicotte, Marie Sicotte. Donc, je pense que lentement, mais sûrement, on le redécouvre. On le redécouvre, mais il y a une espèce de... Il y a un point de vue sur ce personnage-là. Les gens, ils disent que c'était... certains, je dis les gens. Il y a des personnes qui disent que c'est un poltron parce qu'en fait, lui, il s'est sauvé puis il n'a pas fait face aux conséquences politiques comme certains de ses confrères, genre Chevalier de Lorimier. Les autres, ils ont subi les punitions des Anglais. Ah oui, il y en a qui ont été pendus, il y en a plusieurs qui ont été déportés en Australie. Il y a beaucoup de prison, tout ça. En effet, Papineau, lui, ça n'est pas arrivé. Il est parti. Il s'est exilé aux États-Unis. Et où il est resté quelques temps. Puis après ça, il est parti en France. Donc, il est en exil pendant plusieurs années. Ouais. Avant d'avoir un pardon et de revenir. Est-ce que tu peux nous parler un peu du pardon qu'il y a eu? Ben, je pense qu'avec le temps, c'est une période que je connais un petit peu moins. Mais je pense qu'à partir du moment où, il y a eu l'union, hein, après le rapport de Ram, il y a eu l'union des deux Canada, donc là, on était rendu dans le Canada uni, et puis, je pense que, si je peux résumer, là, ce que j'en sais, c'est que maintenant, on s'est dit, bon, le temps a passé, la rébellion a bel et bien été matée, il y a un nouveau régime qui a été installé, il est devenu un peu inoffensif, finalement. Donc, on lui a permis de revenir. Déjà, il faut dire, à l'époque, hein, il y avait déjà eu des réparations qui avaient été payées à des gens, par exemple, dont les fermes, par exemple, avaient été brûlées durant la rébellion. Il y avait eu un vote qui avait passé pour les compenser. Donc, on était plus dans la réconciliation, un petit peu, si je peux utiliser cette expression-là, entre guillemets. Et je pense que, dans ce contexte-là, ben, de permettre que Papineau revienne après tant d'années, là, C'était vu comme quelque chose de correct. Puis c'est comme s'il avait été neutralisé. Il était plus dangereux à ce moment-là. Ouais, je comprends. C'est intéressant que tu parles de réconciliation, parce qu'on n'en parle pas vraiment ici, au Québec. Je sais pas s'il en parle plus au Canada, dans le rest of Canada. C'est un petit peu un thème qui est dans le livre aussi, hein, la perspective historique du Canada et la perspective historique du Québec. Oui, ben c'est sûr qu'on voit les éléments souvent de manière différente. Je veux dire, on le sait, hein, au Canada, il y a ce qu'on appelle le nation building, une espèce de construction nationale. On crée des grands événements, on crée des mythes. Je pense que tous les pays sont semblables par rapport à ça. Les Canadiens ne sont pas différents des autres pays. Mais par exemple, tout ce qui concerne, pour revenir au sujet du livre, là, tu sais, dans le livre, on parle de confédération. Mais tu sais, nous, quand on a appris ça à l'école, là, moi, quand je me rappelle de mes cours d'histoire, ben, on dit, ben oui. Alors, il y a eu le Canada uni en 1840. Puis là, après ça, ben, il y a eu la confédération. Et puis, ça a passé sans problème. Voilà. Mais quand on fouille un peu, on se rend compte, mais non, mais il y avait quand même pas mal d'opposition à la confédération. Il y avait beaucoup de gens qui étaient contre au Québec, ben, au Québec, dans l'actuel Québec. Beaucoup de gens qui étaient opposés à la Confédération, ça a pas, pas. Oui, les députés ont voté pour l'adoption du projet, mais la population n'était pas très, très. Il y en a qui étaient pour, il y en a qui étaient contre. Mais il n'y a pas eu de référendum, hein, il n'y a pas eu de consultation. C'est une constitution, dans le fond, ce nouveau pays-là, là, dont la constitution était à Londres, hein, on s'en rappelle bien, mais ce nouveau pays-là, il y a pas, ça, ce projet-là n'a pas été soumis à l'approbation de personne. Les députés ont voté pour, ils ont dit, OK, ça passe. Et puis voilà, c'est devenu le nouveau pays. Donc, c'est intéressant de fouiller un peu des fois dans l'histoire pour se rendre compte que ce qu'on nous avait raconté, peut-être que c'est un peu plus compliqué qu'on pensait. Ouais, ça m'amène à une réflexion sur le livre. C'est que il y a comme une espèce de dualisme entre les deux époques qui sont présentées dans le livre. Il y a comme un effet de reflet. Les deux personnages vivent essentiellement des choses similaires. Ils sont dans deux époques qui sont marquées par des changements ou une intensité au niveau politique. L'époque contemporaine, ils parlent souvent du deuxième référendum, mais aussi du règne libéral qui s'est terminé avant de recommencer en 2012. Une des affaires qu'on peut comprendre de ce que je pense, c'est ce que tu voulais exprimer à travers un peu ce récit-là qui est en deux parties, en deux époques, c'est que les gens vivent toujours, ou du moins ici, dans un contexte politique qui est assez tendu ou souvent en ébullition. C'est jamais simple, c'est jamais propre. Oui, je pense que ce que j'ai voulu un peu montrer là-dedans, puis je pense que tu as raison de dire qu'il y a une espèce d'effet de reflet, parce que c'est deux époques où ça brassait. Hein. Si je peux résumer, là, je veux dire, les années pré-confédération, il y avait beaucoup de manifestations, il y avait des pétitions, il y avait des. Bon, ça bougeait pas mal. Et aussi, à l'époque de la fin du régime Charest, on s'en rappelle, il y avait quand même beaucoup d'accusations de corruption, il y avait beaucoup de tensions. Puis après ça, ben, il y a eu le printemps érable. Beaucoup de gens disaient, puis moi, c'est un peu la vision que j'ai dans le roman, c'est que cette hausse-là de frais scolarité qui était quand même conséquente, là, c'était peut-être aussi une tactique, là, de la part du gouvernement de changer un peu le sujet finalement, puis de faire oublier l'histoire de corruption et dans le fond, de mettre les électeurs devant un choix, là. Soit voulez-vous appuyer les étudiants ou vous êtes contre les étudiants, hein, pour la hausse, contre la hausse. Donc, dans le fond, de changer le cadre de la discussion pour sauver leur peau d'un point de vue électoral, ce qui n'a pas marché. Parce que, bon, le Parti québécois, à l'époque, avait gagné. Même, bon, minoritaire, mais avait quand même gagné. Mais en fait, ce que je veux dire, si j'en reviens à ta question, c'est que l'idée un peu là-dedans, c'est qu'au Québec, l'histoire se répète. Le Québec est toujours une province canadienne. Et puis, on aura beau passer des réformes, élire des gouvernements qui veulent changer les choses. Moi, mon opinion, c'est que tant que le Québec ne soit pas devenu un pays indépendant, on va rejouer dans ce film-là régulièrement. Il va y avoir des moments d'accalmie, des moments de paix sociale, des moments où on a l'impression que ça y est, on a réussi, là, ça va, notre nationalité est sécure, c'est beau, on va encore parler français dans 100 ans, dans 200 ans ici. Puis d'autres moments où, non, là, ça va pas bien, on se rend compte qu'on est mal gouverné, puis ça grogne. Et donc, cette espèce d'éternel recommencement-là, moi, je tente de l'illustrer donc un peu par ce contraste-là entre ces deux époques-là. Et même, je rajouterais même une chose, c'est qu'au-delà de la comparaison entre ces deux époques-là, donc 1864 puis 2011, mais quand on lit les écrits de Tocqueville qui datent de 1831, qui sont encore plus anciens, même quand on lit ces extraits-là, des fois, on dit, mais coudonc, on dirait que les choses n'ont pas changé. Il y a plein de choses qui sont encore vérifiables aujourd'hui. Puis, alors, c'est une autre illustration là, de ce que j'essaie de décrire, là. Il y a une citation de Marx dans le livre qui parle que Oui. l'histoire se répète. Est-ce que tu, je l'ai pas sous la main, est-ce que tu peux la dire? Oui, l'histoire se répète deux fois. Une fois en tragédie, la première fois en tragédie et la seconde fois en farce. Et donc, lui, ce à quoi il faisait référence, Marx, c'était qu'il y avait eu Napoléon, donc Napoléon Bonaparte, donc la tragédie. Et après, il y a son neveu, Napoléon III. Donc, c'est l'empereur, là, on va dire en 1851 et 1870 en France. Donc, il avait comme créé ce qu'on a appelé le Second Empire. Jusqu'à temps qu'il se fasse botter le derrière par les Prussiens. Et puis voilà, c'était la fin du Second Empire. Alors, lui, Marx, en voyant Napoléon III, qui était clairement pas du niveau de son oncle, on va rester poli, c'est donc l'origine de sa citation. Mais moi, quand j'en parle dans le roman, je m'amuse à en parler plus en parlant des Trudeau, de Pierre-Elliott Trudeau, puis son fils Justin. Donc, il y a eu, comme tu sais, l'histoire a des hoquets, là. L'histoire se répète, mais la deuxième fois, c'était un petit peu plus. On s'entend que, bon, moi, j'aime pas beaucoup Pierre-Elliott Trudeau, mais Justin Trudeau, je pense pas qu'il ait le niveau intellectuel de son père. C'est, je pense, c'est écrit noir sur blanc dans le livre, je pense. C'est ça, c'est ça. Que, oh, c'est un acteur, fait qu'il y a ça, il y a ça de bon comme homme politique. Ben c'est ça, dans ce sens-là, c'est quelqu'un de son époque, là. Je veux dire, bon, le règne de l'image, on connaît toutes les façons de le décrire, l'acteur, le pleureur, celui qui s'excuse et tout ça, mais au-delà de ça, dans ses accomplissements politiques, puis dans sa philosophie de la politique, je veux dire, à part la légalisation du cannabis, moi, je me demande qu'est-ce que Justin Trudeau a vraiment accompli, là. Puis bon, malgré tout le mal que je peux penser de son père, il a quand même eu des grandes avancées, notamment la question des droits homosexuels, etc. Il y a quand même des choses qui sont passées, là. Mais là, je ne parle pas de la crise d'octobre, là, mais je parle d'autres questions. Pierre Trudeau, quand même, avait quand même un niveau intellectuel quand même plus important que celui de son fils, je crois. L'anecdote de Trotsky. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ben je peux la raconter si tu veux rapidement. C'est que moi, étant Québécois de naissance, je suis né au Québec, mais de parents étrangers, moi, souvent, quand je vais à l'étranger, quand je vais en France, quand je vais aux États-Unis, des fois, je suis toujours un peu choqué, là, un peu frustré, on va dire, de l'ignorance que je peux constater là, envers le Québec. Tu sais, c'est « Ah, you're Canadian? Ah, vous êtes Canadien? » Là, tu leur expliques « Oui, j'ai mon passeport canadien, mais tu sais, je suis pas un Canadien anglais, là, je suis un Québécois. » Bon, les Français, en général, ils savent vaguement qui on est, les Américains, pas mal moins. Donc, cette espèce de côté où les Québécois sont comme un peu méconnus, même souvent inconnus complètement, on se demande « Quoi? Vous parlez français? Mais vous m'avez dit que vous étiez Canadien. Comment ça se fait que vous parlez français? » Vraiment, c'est une ignorance, hein? C'est un effacement, on va dire, des Canadiens français, des Québécois, dans l'image qu'on a dans le monde entier. Et l'exemple que je vous ai donné par rapport à ça dans le livre, c'est un exemple qui est lié à l'assassinat de Léon Trotsky en 1940. Alors, ce qui s'est passé en 1940, c'est que Trotsky, bon, était en exil, hein, c'est l'ancien chef de l'armée rouge. Staline voulait le faire éliminer depuis un bout de temps, et il s'est réfugié dans différents endroits. Puis là, il s'est ramassé au Mexique. Et puis, il s'était réfugié dans une maison, là, qui était comme transformée donc carrément en forteresse, là, avec bon, les portes, etc., barrées, tout ça. Les fenêtres, et il y avait des gardes du corps. Et c'était tout près de la maison de son ami, donc Frida Kahlo, l'italienne Frida Kahlo. Puis, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des gardes du corps, et un jour, il y a quelqu'un qui est venu le voir, soi-disant un Canadien français, OK, qui s'appelait Frank Jackson. Alors, c'était un peu bizarre. Frank Jackson, c'est pas un nom québécois pantoute. En plus, il paraît qu'il avait un drôle d'accent. Puis, ses gardes du corps, ils l'ont laissé passer. Puis, ils l'ont laissé seul avec Trotsky. Puis, finalement, il a sorti un piolet, là, une espèce de pic à glace de son manteau. Puis, il a fracassé le crâne, il l'a tué. Donc, comment ça se fait que les gardes du corps américains l'ont laissé tout seul avec Trotsky? Ben, parce qu'il savait pas à quoi ça ressemble un Canadien français. Puis dans les faits, ce gars-là, c'était pas un Canadien français pantoute, c'était un Espagnol qui s'appelait Ramon Mercader, qui avait un faux passeport et qui avait même un accent. Il avait appris le français en France un peu, il avait vécu un peu en France, mais c'est loin d'avoir un accent québécois, là. Donc là, malgré tout ça, les gardes du corps ont fait: ah, c'est un Canadien français, ok, c'est beau, allez-y, allez le voir. Puis là, il tue Trotsky. Mais pourquoi ils l'ont laissé tout seul avec Trotsky? Mais parce que personne ne sait à quoi ça ressemble un Canadien français. La fois, c'est ça l'espèce de leçon de cette anecdote-là, c'est que dans le fond, Mercader, qui travaillait donc pour les services secrets soviétiques, il avait bien choisi sa couverture. sa fausse identité, parce que personne ne sait à quoi ça ressemble un Canadien français. Fait que, voilà. Les gardes du corps américains. En plus, c'est même pas des gardes du corps mexicains ou russes ou autre chose, là. C'est des gardes du corps américains dans le sens de États-Unis qui devaient protéger Trotsky. Puis même eux, ils ne savaient pas c'était quoi un Canadien français. Puis ils ont laissé passer. Donc voilà, c'est une anecdote assez, je trouvais, assez révélatrice. C'est révélateur. Puis c'est aussi, c'est juste choquant quand tu regardes un film américain, là. T'as un Québécois dedans. C'est comme, là, il arrive, il y a une chemise carottée, là. Puis comme, oui, baguette fromage, I am Canadien français. Voilà. On s'en rappelle dans Mad Men. Il y avait un personnage québécoise, la blonde Don Draper, c'est une Québécoise. Ses parents, à un moment donné, viennent la visiter, puis ils parlent français, mais tu te dis, mais ça n'a aucun sens, là, je veux dire, c'est n'importe quoi. Puis ça arrive souvent, il y a beaucoup de films, puis beaucoup de séries américaines, où voilà, le personnage de Québécois ou Québécoise est complètement farfelu. Farfelu. Ils n'ont aucune idée qui on est. Puis souvent, c'est ça, comme tu dis, souvent, ils vont les caricaturer en français de France, parce que c'est comme on dit en anglais, next best thing, tu sais, c'est ça doit ressembler à ça, tu sais. C'est comme si on avait un film où on avait un Américain, un personnage américain, puis l'Américain, on le représentait avec un chapeau melon, puis en buvant du thé, tu sais. Parce que, tu sais, il parle anglais, hein, fait que, donc c'est comme un londonien, tu sais. Bon, ça montre un peu le ridicule de la chose, je trouve. Pour revenir un peu au travail que tu as fait pour le livre, tu as fait un travail un peu comme d'historien, un travail de recherche. Je me posais quelques questions sur, en fait, comment ça fournit un peu le côté littéraire, ta capacité à écrire certaines parties du livre. Il y a une partie du livre qui m'a quand même bien marqué, c'est l'assemblée pour la Confédération dans le village de Sainte-Julienne. Oui. Il y a Wilfrid Laurier qui est là, qui fait un discours. Il y a des gens qui sont là, qui sont pour la Confédération, qui font un discours. Puis on est un peu, quand on lit ça, on assiste un peu à une reconstitution historique. Oui. Ce que je peux te dire par rapport à ça, c'est que, bon, j'ai fait quand même beaucoup de recherches. J'ai passé 2 ans, moi, à faire des recherches avant de commencer à écrire. Évidemment, je me suis dit, moi, il faut que je me documente, parce que c'était très important, même si avec l'histoire, là, je prends quelques libertés, j'invente des choses, que d'ailleurs, j'explique en postface, là. J'explique à la fin du livre, je dis tel élément du roman sont faux, c'est moi qui les ai inventés, mais tout le reste est vrai, OK? Donc, c'est très important pour moi que ça soit crédible, tout ça. Un des trucs que je me suis dit, une espèce de consigne que je me suis imposé, c'était: si j'invente des choses, il faut que ça soit, entre guillemets, ça aurait pu se passer. Dans le sens qu'on ne l'a pas su, là, mais ça aurait pu se passer comme ça. Je ne vais pas à l'encontre de l'histoire. Je ne dis pas des choses qu'on peut prouver comme étant fausses. Okay? Donc, évidemment, c'est de l'imagination, mais c'est basé sur la réalité. Donc, je reviens à ce que je disais. J'ai donc travaillé pendant... J'ai lu vraiment environ une centaine de sources, là, articles, livres, etc., pendant 2 ans avant de me lancer dans l'écriture. Et au sujet de l'Assemblée de Sainte-Julienne, j'ai lu des comptes rendus qui ont paru dans les journaux de l'époque. Alors maintenant, sur le site de BANQ, hein, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, il y a beaucoup d'anciens journaux qui ont été numérisés et on peut lire les journaux de l'époque. Et donc, j'ai lu des journaux de février 1865, au moment où a eu lieu cette assemblée-là, qui a vraiment eu lieu à Sainte-Julienne, dans la Naudière, là, près de Joliette. Et puis voilà, Laurier était là. D'ailleurs, Laurier, à l'époque, était opposé à la Confédération, il était contre le projet de Confédération. Et là, on parle dans les articles que j'ai lus, on parle un peu comment ça s'est passé dans la procédure. On va dire, ben, telle personne a pris la parole pour le projet, telle autre personne a pris la parole contre le projet, blablabla. Il y avait, bon. Mais là, évidemment, c'est pas un verbatim, là. Donc après ça, moi, je pars de cet événement réel-là et en me basant sur ce que j'ai pu trouver, des opinions de Laurier et des autres gens opposés à la Confédération et ceux qui étaient pour, ben là, j'ai inventé, je me suis comme figuré un discours. Et je le résume donc dans le chapitre. Donc ce que je dis, est-ce que Laurier a dit ces mots-là exact? Certains, j'ai pris des... Oui, j'ai trouvé des éléments dans la littérature, donc dans la production historique, puis il y a d'autres choses sur lesquelles j'ai juste brodé, là. J'ai comme paraphrasé, j'ai inventé un petit peu. Mais en revenant aux arguments qui étaient ceux des gens de l'époque. Donc c'est comme, on parle d'un... C'est un point de départ, puis après ça, je brode là-dessus. D'ailleurs, je pense que c'est le cas de beaucoup de romans historiques. Donc cette partie-là était vraiment très, très, très, très, très historique. Mais Laurier était bel et bien là, à cette assemblée-là, avec son père, d'ailleurs. Carolus Laurier, qui venait de Saint-Lin. Donc, ils ont fait le chemin de Saint-Lin et sont allés à Sainte-Julienne. Bien, recréer une assemblée et avoir les détails historiques précis de ça, c'est une chose, mais faire parler un personnage historique, c'en est une autre. Oui. Je ne sais pas si on fait un divulgachi ici. J'adore ce mot. Je sais pas si on fait un divulgachi, mais éventuellement, le personnage de Charles... Charles Sévigny, oui, qui est le, on va dire le personnage principal des chapitres qui se passent au 19e siècle. Oui, Charles Sévigny va rencontrer un ami, le partenaire de voyage de Tocqueville, qui est Gustave Beaumont. Gustave de Beaumont, oui, c'est Gustave de Beaumont, oui. Pour voilà. En avoir le cœur net sur la visite de Tocqueville au Bas-Canada. Et pendant une bonne cinquantaine de pages, je pense, Gustave de Beaumont s'adresse à Charles et parle lui-même de son voyage. C'est quoi les défis de d'écrire la parole d'un personnage historique comme ça? Est-ce que être exact dans sa manière de parler, c'était-tu important? Oui. Alors ça, c'est une très bonne question parce que je m'étais posé cette question-là. Je me suis dit, bon, là, Charles, il va aller là-bas pour... en avoir le cœur net, hein, pour enfin savoir la fin de l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé lors de votre passage en 1831 à vous et Tocqueville? Bon, Tocqueville est mort. Hein, quand Charles s'en va là-bas, va en France rejoindre Beaumont dans son château. Là, il y a un manoir là, en Touraine, près de Le Mans et près de Tours, là, donc à l'ouest de Paris. Quand il va là-bas, dans le roman, ben, Tocqueville est mort depuis plusieurs années déjà. Mais Beaumont, lui, bon, il est encore vivant. Il achève, par exemple, puisqu'il allait mourir l'année suivante. Mais donc, il rencontre un Beaumont vieillissant. Et quand je me suis posé la question, je me disais, bon, ben oui, OK, il va raconter qu'est-ce qui est arrivé au Québec, quand ils sont venus au Bas-Canada. Mais il faut quand même que l'intrigue, l'explication des événements, quand il est là-bas, en France, pour voir Beaumont, que ça soit crédible. Donc, moi, je te dirais que j'ai fait deux choses surtout. C'est que, bon, premièrement, je suis allé en France, j'ai visité la région, j'ai même rencontré l'actuel marquis de Beaumont, qui était très, très, très heureux que quelqu'un s'intéresse à son... En fait, c'est pas son ancêtre, là, la branche de Gustave, elle s'est éteinte, mais disons, le frère de Gustave, c'est l'ancêtre du marquis actuel de Beaumont. Donc, M. de Beaumont était très content que je m'intéresse à lui. Et puis, il m'a parlé en long et en large de la famille, et donc j'ai appris plein de choses, et j'ai eu, on va dire, une véritable impression de ben, c'est quoi être dans cette région-là de la France, donc pour les descriptions, pour bon, le paysage, etc., etc. Ça, c'est une chose. Pour ce que dit Beaumont, parce qu'il parle, là, vous dire, il y a des dialogues, il parle avec Charles, là, je me disais, je peux pas faire n'importe quoi, donc je me suis plongé dans la correspondance de Beaumont avec Tocqueville. Et dans les œuvres complètes de Tocqueville, qui sont publiées, je pense à Gallimard qui a publié ça il y a quand même quelques décennies déjà, ben, il y a beaucoup de lettres qui ont été échangées entre Tocqueville et Beaumont. Donc, en lisant Beaumont rédiger ses lettres à son ami, puis là, des fois, c'est même touchant là, parce qu'il se parle de trucs personnels. C'est deux très, très, très, très, très bons amis. Hein. D'ailleurs, là, on pourrait en parler tantôt, mais le roman parle beaucoup de l'amitié aussi. Et c'est deux très bons amis, puis là, ils se confient l'un à l'autre. Et je voyais des fois des espèces de tics de langage de Beaumont. Je voyais un peu comment. C'est sûr que c'est du langage écrit, là, c'est des lettres. Mais ce n'est pas des lettres envoyées à n'importe qui, c'est des lettres envoyées entre amis. Donc je me disais, ben, peut-être que c'est peut-être comme ça, un peu, qui s'exprime, hein, quand il parle à quelqu'un, oralement. Donc, j'ai pris des expressions, j'ai pris des tendances à utiliser telle forme bon, comment il s'exprime en général, quoi. Donc, et ça, j'ai quand même passé pas mal d'heures là-dessus pour avoir une espèce d'impression de qui était Beaumont. Alors, ça, c'est pour la langue, mais aussi en lisant d'autres textes, j'ai pu vérifier que par rapport à son caractère, par exemple. Alors, ça, c'est une anecdote intéressante. On disait souvent que Tocqueville, bon, était super intelligent, là, super plume, tout ça, mais pas la personne la plus sociable, on va dire. Alors que Beaumont, lui, au contraire, c'est un gars de la campagne, assez costaud, tout le monde l'aimait, il était très social, très gentil, accueillant, vraiment un gars, un bon gars, là. Vraiment un bon, le Québécois, on dirait un bon gars, un bon Jack. Et puis même, ce qui est drôle, c'est quand j'ai rencontré le marquis, lui aussi, il était vraiment très, très, très sympathique. Hein. Je me suis même surpris à me dire, coudonc, cette famille-là, est-ce que cette famille doit être aussi sympathique? Ils sont vraiment, vraiment des gens, en tout cas pour le marquis, c'est vraiment très, très, très sympa. Et tout ce que le monde dit de Gustave, c'est que, justement, son côté très sociable, ben, comment dire, il complétait bien Tocqueville. Hein? Il était un bon couple d'amis parce que ils se complétaient par rapport à leur force et leur faiblesse. Puis on s'entend que Beaumont, c'est peut-être pas un intellectuel du niveau de Tocqueville, mais Tocqueville, sans Beaumont, n'aurait pas réussi à faire tout ce qu'il a fait dans sa vie. Donc, voilà. Ouais, c'est mentionné plusieurs fois dans le livre que Tocqueville et Beaumont se complétaient. Ouais, il y avait même un. Dans le livre aussi, il y a un passage, il y avait un journaliste et poète allemand qui s'appelle Heinrich Heine. Puis il disait, il se complète comme huile et vinaigre, comme pour faire une vinaigrette. T'sais. Alors, Beaumont étant l'huile, comme le liant, t'sais. Puis vinaigre, c'est Tocqueville, un petit peu plus aigri, là. T'as mentionné que c'était deux bons amis, puis que le thème de l'amitié, c'est quelque chose qui est présent dans le livre. C'est quelque chose que j'ai remarqué moi aussi, parce qu'on parlait de dualisme, mais là, c'est un peu comme. C'est plus comme par trois que ça fonctionne, parce qu'il y a le personnage de Édouard puis Louis. Oui. Il y a aussi Charles et son ami Ludger. Ludger. Ouais, je lisais, puis j'étais comme Ludger, Ludger, j'étais pas sûr. Fait que Édouard, Louis, Charles, Ludger et Tocqueville Beaumont. Oui. Ouais, ça, je trouvais ça. Donc, c'est vraiment un roman. Bon, ça parle beaucoup de politique et d'histoire, ça, on l'aura compris, mais c'est aussi un roman sur l'amitié entre gars. Vraiment, l'amitié, le fait que. C'est quelque chose dont on parle un petit peu moins, ça, des fois. Mais j'ai pas l'impression que c'est quelque chose dont on parle si souvent que ça dans les films ou dans les romans. Mais je trouvais ça important dans le sens où, comme ce que je viens de dire par rapport à Tocqueville et Beaumont, ben, des fois, l'amitié, je veux dire, ça peut durer toute la vie. Puis, des vraies amitiés, parfois même, ça dure même plus longtemps que l'amour. Hein. Des fois, l'amour, oui, il y a des couples qui restent ensemble des dizaines d'années, mais bon, les divorces, ça arrive. Hein. Puis, les séparations, ça arrive. Puis, les amitiés, ben, Mais surtout maintenant, à notre époque, là, on a des petites familles, puis bon, moins de frères et sœurs et tout ça, les amitiés sont quand même très importantes. Et puis je trouvais que c'était comme une espèce de constante entre les époques que je trouvais vraiment intéressante à soulever. Et puis les amitiés, bon, ça a des hauts puis des bas, puis des fois, on peut se chicaner, on peut être en froid quelque temps, puis se réconcilier après. C'est quelque chose de très précieux dans la vie. Puis je trouvais que l'amitié entre hommes, c'était peut-être un sujet qui est un petit peu négligé, dont on parle pas souvent. Ou si on en parle, tu sais, c'est des tapes dans le dos dans la chambre de hockey, là. Alors que l'amitié, ça peut être sur plein d'autres niveaux aussi. Ça peut être une amitié intellectuelle. Tu sais, Gustave de Beaumont puis Tocqueville, ben à chaque fois qu'ils écrivaient quelque chose, l'un ou l'autre, ils se montraient leur texte. Qu'est-ce que t'en penses? Ok, je devrais changer ci, je devrais changer ça. Puis ils s'aidaient l'un l'autre au point où comme j'en parle dans le livre, il y a des gens qui disent, ben, des fois leur pensée. En fait, on ne sait pas vraiment qui a pensé telle chose en premier, parce que souvent leurs opinions font un. Qui a eu la première idée, c'est-tu Beaumont ou Tocqueville là-dessus? Des fois, on ne sait pas. Alors c'est sûr, c'est pas pareil pour les autres personnages du roman, mais Charles et Édouard, quelque part, ils ont besoin de leur ami aussi. Puis leur ami a souvent besoin d'eux aussi pour faire différentes choses. Voilà, je trouvais que c'était un sujet fécond. Ouais. Puis quelque chose qu'on peut en retirer, c'est que la confiance, c'est vraiment important. T'es avoir quelqu'un à qui tu peux faire confiance. Oui, puis confiance, oui, puis aussi se confier aussi, hein, pour avoir quelqu'un qui t'écoute, puis qui peut te recadrer, t'aider, t'encourager, ou des fois te décourager, te dire, ben là, non, ça, t'as l'affaire, ça marche pas, là, tu t'en vas dans le champ avec ça, à tort ou à raison. Oui, non, c'est fondamental. Il y a quelque chose que je voulais dire aussi par rapport à ça. Sur Tocqueville et Beaumont qui ah oui c'est ça c'est que c'est ça c'est le fait que donc je me rappelle plus là qui se parlaient puis qui s'aidaient ah oui puis même que dans leurs écrits ben par exemple en préface de la démocratie en Amérique ben c'est Beaumont qui l'a Tocqueville parle de Beaumont parle du livre de Beaumont parce que Beaumont aussi a écrit un livre après leur voyage en Amérique. Et même chose, Beaumont, dans sa préface, lui, il dit aux gens de lire le livre de Tocqueville. Alors, ils s'encourageaient l'un l'autre. Et dans leur. Ah, c'est ça, voilà. Et là où je voulais en venir, c'est que dans leur amitié, très tôt dans leur amitié, ils se sont dit, bon, on s'entend, on ne démontre jamais nos dissensions en public. Dès qu'on est en public avec d'autres gens, n'importe qui, d'autres hommes politiques, d'autres personnes, on fait front commun. Si on est pour se chicaner ou être en désaccord sur quelque chose, on le fera en privé, mais pas devant du monde. Ça, je trouve ça intéressant. Ce qui m'amène un peu, ça fait un super lien avec ma prochaine question, parce que je voulais parler un peu de querelles familiales. Oui. Parce que une affaire que j'aime beaucoup du livre, c'est que c'est pas juste les grands personnages politiques, en fait. C'est un livre qui se passe avec les petites personnes, les personnes ordinaires, et ça se passe aussi dans les cuisines. Ça parle des gens qui discutent entre eux autres de politique, puis comment les familles, même s'il y a des différences politiques, comment ça interagit entre eux, puis comment ils sont capables de vivre avec ça. Puis je trouve ça vraiment intéressant, en fait. Oui, ben notamment par exemple Édouard qui a une mère française, puis il y a un frère qui travaille dans un restaurant, puis ils ont un souper ensemble, ils discutent de politique, ils discutent de plein de choses, puis ça aborde la politique vers la fin, mais aussi d'autres personnages qui parlent de politique à d'autres moments, puis on voit aussi, moi ce que j'ai voulu un peu laisser transparaître là-dedans, c'est que il y a quand même une espèce de tabou au Québec, hein, quand même, il faut quand même le dire, là, par rapport à la politique. Moi qui a des liens avec de la famille à l'étranger, là, j'ai de la famille aux États-Unis, puis en France, ma famille ici, c'est ma famille très proche, là, c'est mon père, c'est ma soeur, c'est mon frère. Ce que je remarque, c'est que aux États-Unis puis en France, ben la politique, c'est un sujet réel de discussion. En France, on le sait, les gens adorent parler politique, des fois même se disputer, avoir des discussions un petit peu orageuses ou on va dire un peu plus bruyante, là, un petit peu plus animée. Alors qu'au Québec, souvent, c'est « Ah, la politique, il ne faut pas toucher à ça, la politique, c'est pas propre, la politique, c'est... On le sait bien, les politiciens, c'est tout des menteurs, blablabla, tout ça, comme si c'était sale. » Et ça, moi, je trouve que ça dénote, je trouve que ça trahit un rapport trouble à notre rapport à la démocratie. Et ça, c'est dû à quoi? Ben, on verra sûrement, on va me voir venir, mais le fait qu'au Québec, on est une province canadienne, puis il y a beaucoup des éléments de ce que fait un État normal, là, les relations avec d'autres pays, puis bon, la monnaie, l'argent, tout ça, l'armée, bon, tout ça, c'est géré par le fédéral. Donc, moi, je pense que quand on ne contrôle pas toute notre destinée, ben on se désintéresse un peu de la politique. Et ça a d'autres effets. Par exemple, les gens disent « Ah, oh, mais les Québécois ne s'intéressent pas beaucoup à la politique internationale. » Mais moi, je trouve que ce n'est pas surprenant. Quand c'est quelqu'un d'autre qui se charge de ça, quand c'est le fédéral qui s'en charge, puis que c'est pas puis que la politique étrangère canadienne ne ressemble pas du tout à ce que pourrait ressembler une politique étrangère québécoise, ben les gens s'en désintéressent, c'est bien normal. Là. Ce que tu contrôles pas, tu t'y intéresses moins. Donc oui, moi je trouvais que c'est quelque chose que je voulais faire ressortir dans le livre, puis j'ose espérer que ça paraît comment dire, que c'est bien amené, dans le sens que j'ai pas voulu être... subtil comme un 2x4, là, je veux dire, je le dis, j'essaie d'amener des nuances, mais c'est vrai là, que je l'ai souvent entendu ça au Québec. Là. Pas encore de la politique, maudit, on peut-tu parler d'autre chose, là, parler d'un sujet sur lequel on ne va pas se disputer? Parce qu'on aime ça le consensus au Québec. On aime le consensus, donc puis la politique, par définition, c'est pas du consensus. Hein, c'est... Ouais, ça, j'ai pris une note en quelque part dans mes notes, c'est la politique, c'est sérieux? Point d'interrogation? Comme voilà. Pour la plupart des Québécois, c'est pas un sujet important. Tocqueville en parle même, qu'il dit que les Québécois, ben les Canadiens, sont désintéressés par la politique. Ils n'ont pas de grande volonté politique. C'est ça. Ils n'ont comme pas vraiment de passion. Ils se concentrent sur... on a un député là, qui s'occupe bien de nous. On lui fait confiance. Il nous protège. Puis on se concentre sur notre petite vie, hein? Sur notre chat, sur notre maison, notre famille, nos amis. On se réfugie dans la sphère privée, finalement. Puis on laisse la politique aux autres. Mais ce qui est drôle, c'est que souvent, les Québécois vont s'en plaindre de ça. Ils vont dire « Ah, maudit, encore, il a fait ci, il a fait ça. » Fait qu'il y a ça chez aller. Hein? Ils vont se plaindre. Mais quand c'est le temps de le faire, de prendre ça en main, puis d'arrêter de chialer, puis faire quelque chose de constructif, ben là, non, ça vient pas. Tu sais, on vote non au référendum, puis après ça, on se plaint. Donc moi, c'est ça que je trouvais un peu contradictoire. Moi, je préfère, dans ma vision des choses, je préférais qu'on soit même de nos... C'est comme si... comment dire? C'est comme si on avait un ado qui se plaindrait du fait qu'il contrôle rien, mais quand ses parents lui disent, ben si tu veux, pars à l'appartement, puis gère tes propres affaires. Non, parce que je suis quand même confortable dans le sous-sol, là, je suis bien, là. C'est un peu ça l'idée, là. Oui, il y a un personnage, je ne veux pas tout gâcher, pas de divulgâcher, mais il y a un personnage qui dit éventuellement dans le livre que t'es de la politique, c'est agir sur le terrain, essentiellement. Oui. Ça arrive dans un texte, une discussion où c'est un peu de mauvaise foi, mais en même temps, il y a raison sur certains points. C'est vrai, t'sais. La politique, c'est pas juste écrire des textes ou prononcer des discours, c'est être sur le terrain puis parler à des gens. Oui, c'est faire des appels, c'est poser des pancartes, c'est un peu ingrat des fois la politique, hein. Je pense qu'on peut le dire sans vendre de punch là. Édouard, lui, bon, il est plongé dans ses recherches historiques. On est vraiment dans un contexte, c'est quasiment. C'est des recherches sur des mystères du passé. Alors, son ami, Monet, lui dit, ben là, tu peux-tu... c'est bien beau, là, ça, là, mais c'est pas ça qui va nous faire gagner, là. C'est pas ça qui va faire gagner notre parti. Fait que moi, j'aurais besoin de toi, là, pour l'élection qui s'en vient. Puis finalement, bref, je vais pas en parler davantage, mais disons, ça crée des tensions entre les deux, on va dire. Et puis c'est vrai que c'est un tu sais, la politique, juste la politique de serrage de main, là, puis d'abrassage de bébé, là, C'est un extrême. Puis l'autre extrême, ben, c'est on tombe dans la philosophie politique, on lit les œuvres de grands penseurs comme Tocqueville, puis Marx, puis tout ça. Alors oui, en effet, il y a une tension entre les deux. Je voulais parler d'un thème qui est abordé de manière un peu détournée. Le mot il est mentionné dans le livre, mais c'est pas explicité autant que d'autres affaires. Je voulais parler de corruption. Oui. Je vais en parler spécifiquement parce que les Québécois sont souvent vus par le restant du Canada comme un peuple corrompu. Je ne sais pas si tu te souviens, il y avait, je pense que c'était le McLean's ou quelque chose. Là. Oui, le bonhomme carnaval. Oui, le bonhomme carnaval. Essentiellement, il disait que la corruption, c'était quelque chose de pratiquement génétique chez les Québécois. Oui. C'était « the most corrupt province in Canada ». On voyait le bonhomme carnaval avec des valises pleines d'argent. Ouais, c'est ça. Comme si c'était le propre du Québécois d'être corrompu. Ceci dit, j'avais vu une analyse politique qui disait que la corruption, c'est le propre des colonies. Parce que les colonies fonctionnent sur la corruption. Puis tu le mentionnes vaguement dans le livre. Je sais pas ce que tu en penses exactement. Oui, c'est intéressant que tu amènes ce point-là. Bon, la corruption, on s'entend, ça existe partout dans le monde, hein, dans tous les pays. Je veux dire, aux États-Unis, il y en a beaucoup. Au Canada anglais non plus, il est pas blanc comme neige par rapport à ça, pantoute, là. Mais par contre, au Québec, puis on n'est pas parfait, hein, bien sûr, mais je pense qu'on a des moments où on en parle davantage, puis les histoires sortent dans les médias. Hein? Mais là où je. Pour revenir à ce que tu disais, le propre des colonies, je trouve ça intéressant parce que, et ça c'est un thème qui revient dans le roman beaucoup, c'est que je pense que dans l'histoire du Québec, à l'époque du Bas-Canada, à l'époque de la Confédération, puis à l'époque actuelle aussi, je crois qu'il y a une certaine caste politique, pas juste des hommes ou des femmes politiques, mais aussi du monde dans les médias, des gens d'affaires. Il y a une espèce d'élite qui voit un avantage à rester dans le Canada, à que le Québec demeure une province canadienne. Et pour si ces gens-là donc poursuivent leur travail de convaincre les Québécois que c'est une bonne chose de rester de demeurer une province, ben ils y trouvent leur compte. Alors ils sont grassement rétribués. Donc ils ont des honneurs, ils vont avoir des médailles, des postes honorifiques, ils vont devenir politiciens. Après ça, quand ils auront fini leur petit tour en politique, on va leur trouver une place sur un conseil d'administration quelque part, Radio-Canada, etc. Donc je crois que est-ce que c'est de la corruption là? Tu fais ci, je te donne de l'argent. Non, c'est plus compliqué que ça. Mais il y a comme une espèce de système qui fait en sorte que si tu travailles du bon bord, tu vas être récompensé. Tu vas l'avoir ton poste de juge, puis tu vas l'avoir ton siège sur un CA de compagnie. Et puis quand tu seras en politique, on va t'aider. Il y a des médias qui vont t'appuyer. Donc ça, là, cette élite-là, là, mais Tocqueville en parle à l'époque. Il en parlait en 1831, il disait « Ouais, il y a une classe de Canadiens, ils parlent français, tout ça, mais on dirait que leurs intérêts ne sont pas avec le peuple, le reste du peuple, sont plus avec l'occupant anglais, avec les dirigeants anglais. » Et maintenant, bon, c'est plus les Anglais, c'est les Canadiens anglais, mais je pense que ça existe encore, ça. C'est quelque chose qui est encore présent. Puis, bon, l'exemple des libéraux de Jean Charest est un petit peu extrême parce que là, on a bien vu bon, jusqu'où ça a pu mener. Là, il y a eu des commissions d'enquête, puis toutes les histoires autour du fait qu'on voulait, il fallait contribuer à la caisse du Parti libéral, etc., les prête-noms. On avait beaucoup parlé à l'époque, on en parle moins maintenant, mais parce qu'on pense qu'on a, entre guillemets, assaini notre système politique avec différentes commissions, mais dans les faits, la base du système reste la même. C'est que si tu te mets du bon côté, tu vas être récompensé. Et d'ailleurs, je me permets un autre appel historique, peut-être que tu t'en souviens dans le roman. Quand on parle de l'adoption prochaine, donc du projet de Confédération, il y a quelqu'un qui parle du livre que Beaumont a écrit sur l'Irlande, et quand l'Irlande a été rattachée vraiment encore plus, de façon encore plus serrée à la Grande-Bretagne, ben en fait au Royaume-Uni, Mais qu'est-ce qu'on avait fait à l'époque? Ben, on avait corrompu les députés irlandais pour qu'ils acceptent cette fusion avec la, avec le, avec, donc faire disparaître le Parlement irlandais finalement à l'époque. Ça, c'est le début du 19e siècle. Donc, ce que Beaumont dit, c'est que les Anglais, les Britanniques, ils ont cette façon-là. Ils vont pas utiliser nécessairement la force, sauf dans les cas extrêmes, mais en général, ils vont plus corrompre les élites. Et c'est comme ça qu'ils vont s'assurer de la collaboration du pays, puis après ça, le peuple va suivre. Lord Durham disait aussi la même chose. Et moi, ce que je pense, c'est que c'est quelque chose qui est encore existant, qui est encore présent dans notre système politique ici au Québec. Ben, dans toutes les parties du Commonwealth, je pense. Je pense qu'on l'a vu aussi avec les Écossais, là, pendant le référendum, là, quelques années, là. C'est un peu la même chose qui s'est passé au Québec. Oui, je pense que oui. Puis même, en Inde aussi, hein, la colonisation de l'Inde, là, je veux dire, qu'est-ce qu'on faisait? Ben, on faisait miroiter à des gens bon éduqués, des classes supérieures. On va les éduquer en anglais, on va les envoyer dans les grandes écoles en Angleterre. Après ça, on les renvoie en Inde. Et puis là, ils ont un statut supérieur. Ils ont un statut. C'est des amis du régime. Mais ça permet de donner un visage local à la domination britannique. Et donc, le peuple peut plus facilement accepter. Et donc, c'est des recettes qui ont fait leur preuve à travers le temps. Et voilà, c'est encore un peu à l'œuvre ici. Pas mal même. J'aimerais un peu amorcer la fin de l'entrevue pour parler un peu de l'écriture biographique. Parce que quand on lit ta biographie, on remarque que Mathieu Thomas et Édouard quoi déjà? Martin. Édouard Martin ont des similarités quand même. T'sais, ces deux personnages, toi. Ces deux personnes qui sont nées de parents qui sont immigrants. Oui. Oui, alors ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui m'en ont parlé, parce que, puis en plus, il faut quand même dire que tous les chapitres qui se passent en 2011-2012 sont écrits au jeu. Alors, c'est sûr que, bon, ça peut donner une impression de... Mais je te rassure tout de suite, ce n'est pas une autofiction. Ce qui est véritable, ce qui est vrai, c'est le fait qu'en effet, les personnages ont des parents français et américains. Dans mon cas, c'est l'inverse. C'est pas ma... Moi, c'est mon père qui est français, ma mère est américaine. Dans le roman, c'est le contraire. C'est la mère qui est française, c'est le père qui est américain. Mais bon, ça c'est vrai qu'il y a un véritable parallèle. Et puis voilà, puis peut-être dans ses goûts musicaux. Mais à part ça, le personnage d'Édouard, ce n'est pas moi. Moi, je n'ai jamais été désabusé par rapport à l'indépendance. Je ne suis pas traducteur. Dans la vie, je suis bibliothécaire. Donc oui, il y a quelques éléments autobiographiques. Mais Édouard, c'est bien un personnage fictif, ce n'est pas moi. Même si parfois j'ai des amis qui m'ont dit, ah ouais, ben, il y a quelques phrases qui disent des fois que tu sais, je te reconnaissais, mais bon, les gens qui ne me connaissent pas ne le sauront pas. Hein? En lisant le roman, ils vont dire, ah ben ok, c'est un personnage fictif, puis en effet, il est fictif à 95%. Là. Donc, tu n'as jamais été proche de l'Option nationale d'aucune manière. Oui, je l'ai été un petit peu. Oui, j'ai milité pour ON. J'étais présent à la soirée de lancement. Je suis allé, ça c'est vrai, c'est un bon point. Je suis allé au congrès à Bécancour. Mais voilà, ça s'arrête là, quoi. J'avais pas une implication énorme. J'ai pas non plus assisté à sa bête cuisine, par exemple. Donc, on va dire qu'Édouard était beaucoup plus impliqué dans la campagne de Wen que dans le roman là, que moi je l'ai été en 2012. Ça, c'est vrai. Ouais, parce que le roman, moi, il me parlait quand même pas mal à cause de justement l'idée d'option nationale, le rapport des Québécois au restant du Canada, à la langue aussi, qui est comme mentionné Oui. souvent. Fait que c'est comme beaucoup de Oui. thèmes qui m'ont touché quand même dans moi, ma vision politique de la chose. Oui. Je me rejoignais personnellement sur certains points, et je trouve ça vraiment intéressant. Ce que plusieurs personnes m'ont dit, c'est que les romans politiques au Québec sont relativement rares. Les romans où on parle autant de politique, il y a beaucoup de romans historiques, là, mais des romans qui mélangent histoire et politique, et même dans le cas de ce roman-là, de politique quand même récente, là, Owen, ça fait 10 ans, là. Ça fait pas si longtemps que ça. L'an prochain, ça va faire 10 ans qu'il y a eu le printemps érable. Donc, on m'avait dit que ça, c'était quand même quelque chose qui était relativement rare ou inédit. Et que les gens appréciaient ça. Que finalement, tu sais, on peut avoir l'idée, c'est ce qu'on disait tantôt, les Québécois s'intéressent pas à la politique et tout ça, mais quand on le fait d'une façon qui leur plaît, je veux dire, ou qui est peut-être accessible, ou bon, c'est plus populaire qu'on pense. Ben, c'est ça que je voulais poser comme question, parce que moi, ça me rejoint. Ma question, c'est est-ce que tu as espoir que ça touche autre chose que juste des gens comme moi? Oui, bien sûr. C'est sûr que je pense que tout romancier te dirait qu'il veut que son livre soit écrit, soit lu par le plus de personnes possible. Moi, je pense que, écoute, je te mentirais pas en disant que il y a des personnes de mon âge. Moi, j'ai fait quarantaine. Il y a des gens de mon âge qui m'ont dit qu'ils l'ont apprécié. Il y a beaucoup de gens plus âgés qui l'ont apprécié aussi, parce que peut-être ça leur rappelait l'effervescence de leur époque, les débuts du PQ, puis tout ça. Mais aussi des jeunes, parce que des jeunes à qui on n'a jamais raconté l'histoire comme ça, ou qui ont entendu parler du printemps érable, puis qui trouvent qu'en ce moment, il ne se passe pas grand-chose politiquement chez les jeunes. Mais le printemps érable, c'était quand même un moment, il n'y a pas beaucoup de jeunes, c'était leur première expérience de mobilisation politique à l'époque. Donc peut-être que ces jeunes-là qui je sais pas, avaient 20 ans en 2011, ils ont 30 ans maintenant, peuvent un peu revivre l'effervescence de l'époque. Et aussi, j'ai peut-être un dernier point par rapport à ça, j'ai quand même fait attention sur moi, j'ai écrit un roman, là, mais je voulais que ça soit quelque chose qui soit, comment dire, facilement lisible, qu'on a envie de tourner les pages. Je voulais pas que le style masque tout le reste, là, puis que ça soit presque difficile à comprendre, là. Je veux dire, je me suis forcé pour que ça soit bien écrit, là, mais je veux dire, je voulais pas que ça soit cryptique, là, puis ça prenne du temps à décoder. Bon, l'intrigue avance, puis ça va quand même assez rondement. Puis en ce sens-là, je crois que des lecteurs plus jeunes, peut-être des jeunes adultes, par exemple, pourrait très bien l'apprécier. Je pense que c'est un des objectifs, ce serait que cette génération-là aussi le lise et l'apprécie, ce roman-là. Ouais, ben, l'écriture est assez limpide, c'est très intelligible en fait, ça se lit très bien et rapidement aussi pour un livre qui est quand même plus de 400 pages. Merci, merci. C'était mon objectif. Ben, merci d'avoir participé à l'entrevue. Ça m'a fait grand plaisir. On espère que le livre va avoir longue portée et faire éveiller le sentiment politique chez plusieurs gens. Merci, je l'espère aussi. Merci bien. Au revoir.